Parce que chaque sec, tout le monde aime la musique, c'est, on va donner ça. Oh, oh, dans ce monde, nos différences sont une chance. Hey, à nous de s'écouter pour en prendre conscience. Well, la musique nous permet d'être ensemble. Chaque jour de la vie, Mané nous rassemble. Dans ce monde, nos différences sont une chance. Hey, à nous de s'écouter pour en prendre conscience. Well, la musique nous permet d'être ensemble. Chaque jour de la vie, Mana nous rassemble. Well, pour qu'elle touche les esprits, nous avons mis nos cœurs travailler. Dépassant les barrières, suivant les conseils de nos pères. Nos cultures en sont enrichies, soyons en fiers. Sachant que c'est loin d'être fini, Mana, il y a toujours à faire. Cette musique transmet des émotions, des vibrations. Chacun y trouve une part de son histoire à chaque chanson. Comme si tous les cœurs étaient réunis dans une même maison. La force qu'elle dégage nous fait oublier toutes nos divisions. C'est pour ça qu'être hey, dans ce monde, nos différences sont une chance. Hey, à nous de s'écouter pour en prendre conscience. Well, la musique nous permet d'être ensemble. Reggae, hip-hop, raga, rock, hey. Chaque jour de la vie, elle nous rassemble. Si nous écoute ça bien. Dans ce monde, nos différences sont une chance. Hey, à nous de s'écouter pour en prendre conscience. Well, la musique nous permet d'être ensemble. Ce soir, dancehall vibes. Hey, chaque jour de la vie, elle nous rassemble. Car oui, la veille est ce qu'elle est avec ses hauts et ses bas. Chacun est sur ce terre avec son bébé dans les bras. Un état qui d'avance avec le temps tu l'apprendras. Sache t'entourer de bons mais surtout compte sur toi. Car oui, ce qui est passé fait notre histoire. Sachons retenir toutes les leçons man pour plus tard. Je ne veux plus entendre dire moi cette vie j'en ai marre. C'est pour ça restons au combat et gardons l'espoir. L'espoir mène pour tous les youtubeurs. Dans ce monde nos différences sont une chance. Hey, à nous de s'écouter pour en prendre conscience. Well, la musique nous permet d'être ensemble. Chaque jour de la vie, man, elle nous rassemble. Dans ce monde, nos différences sont une chance. Hey, à nous de s'écouter pour en prendre conscience. Well, la musique de Jah nous permet d'être ensemble. Chaque jour de la vie, man, elle nous rassemble. Hey. C'est la musique qui nous ressemble. La musique qui nous ressemble. La musique qui nous rassemble. La musique qui nous rassemble. La musique qui nous ressemble. La musique qui nous ressemble. Ouais, c'est la musique qui nous rassemble. C'est la musique qui nous rassemble. C'est la musique qui nous ressemble. La musique qui nous rassemble. C'est la musique man qui nous ressemble. Qui nous ressemble. Hey. C'est la musique qui nous rassemble. Qui nous rassemble. Right. Ciao.